feuilles. Je suis sur le seuil de mourir de tristesse. Il faut que je te parle, tu sais que ça me blesse. Mais t'es rendu si loin, pour toi je compte plus ben. Mais juste sache que même toi de l'autre bout, je t'aimerais jusqu'au matin. Je sais bien que tu t'en calisses. Me voir péter, me voir faire des sacrifices pour te voir. Chic, ça gosse, mais j'ai juste le goût de parler. Si j'attends trop longtemps, pour toi je vais même plus exister. Je te donne le bénéfice, tu es mon sacrifice. Pour toi j'ai sacrifié des multiples mois avec j'étais juste pour te voir. Mon cœur, ouais, je sais, je dois être cinglé. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que t'es belle l'intérieur, l'extérieur. J'essaie tout de même de pas être kitten comme rappeur. Hey! Attends une seconde, c'est pas la fin du monde. Me fait dire rien d'autre, mais les autres je m'en sac. Te voir avec un autre ça, oui ça me massacre. Tu t'en faudrais peut-être moi, j't'en consacre. J'suis sur place, j'vois juste ta face. Fait que chaque spi, j'me dis si j'change de vie, peut-être qu'un jour j'finirai par t'oublier. Mais t'es parti. J'suis plus capable de parler, j'en ai les mains qui shake. Tu vas sûrement me dire que j'suis juste un fake. Mais écoute ce beat, comment il a changé. C'est la vitesse que j'vais prendre juste pour t'oublier. Mais t'es parti.